Anne est en train de faire le portrait de son frère. Écoutez. Attention, tu n'arrêtes pas de bouger. J'en ai marre, tu en as encore pour longtemps.